Le cuisinier chinois merveille des merveilles avait seul le secret du parfum bouillon gras. Un soir qui résistait la dame du logis, la cuisine à son absence descendit. Et lui un ralot comme trois montagnes descendant aussi je déverte dans la marmite bouillon gras. Aussitôt de rage je hurla. Mais de retour au pas chinois quand le mal lui dit à mi-voix, pourquoi toi qui es tant que ça? Dira il est pour moi, dit voyons c'est pour toi.